As-tu remarqué que l'on commence à s'éloigner? On vit au fond comme si on n'allait pas se manquer. On joue les rôles, on passe notre temps à se mentir. Tant de questions sans réponse, j'ai tout imaginé. Dis-moi à qui est la faute, qui devra tout pardonner? Quand plus rien n'a de sens, il est temps d'en finir. On fait semblant, on se dit je t'aime devant les gens. Les masques reviennent et on triche encore. On rejoue la même scène. Que vas-tu garder de moi si je pars? Si je te disais qu'il est déjà trop tard. Tous les silences que l'on se lance, je les prends avec moi. Que vas-tu garder de moi si je pars? Si c'était déjà la fin de l'histoire. Plus on avance et plus j'y pense, ce n'est qu'un au revoir. Si je pars, ce que le temps nous a volé, les promesses de toujours devenues des plus jamais. La lumière dans nos yeux a fini par s'assombrir. J'ai cru qu'après l'hiver on aurait tout dépassé, mais les douleurs d'hier nous ont encore attrapés. Quand le vide est immense, à quoi bon se haïr? On fait semblant, comme si rien ne gêne devant les gens. On se parle à peine et on triche encore. On rejoue la même scène. Que vas-tu garder de moi si je pars? Si je te disais qu'il est déjà trop tard. Tous les silences que l'on se lance, je les prends avec moi. Que vas-tu garder de moi si je pars? Plus on avance et plus j'y pense, ce n'est qu'un au revoir. Si je pars, non, non, non, dis-moi qu'il n'est jamais trop tard. Si je pars, non, non, non, dis-moi ce n'est qu'un au revoir. Si je te disais ce que je pense en me foutant des conséquences, est-ce qu'on en serait là quand même? On ferait tomber les apparences, est-ce qu'on aurait encore une chance? Que vas-tu garder de moi si je pars? Si je te disais qu'il est déjà trop tard. Tous les silences que l'on se lance, je les prends avec moi. Que vas-tu garder de moi si je pars? Si c'était déjà la fin de l'histoire. Plus on avance et plus j'y pense, ce n'est qu'un au revoir. Si je pars,